ce c'est la guerre. On a la guitare, nous met pas en colère. Trop de bouteilles, il s'est mis en galère. C'est la guerre. Soit ce c'est la guerre. À nous les bombes, y'a du recalage dans l'air. Les quartiers savent faire des millionnaires. Pensez c'était que tu n'es pas paresseux. Tromper la street est pire que tromper sa femme. Tu parles sans les gens, get your snap, t'es curieux. J'ai dansé les caïds impliqués dans les bails sérieux. Camos fait mon cash, zone patine en Versace. Un poteau rentrant, dès qu'un frère sort de cage. Vaillant, vaillant, débrouillard, soeur et tes neveux. Tellement cramé, bon à même cramer nos baveux. Je réponds au proc, au cup, genre les coups. Tu soulèves la fronte, mais n'arrête pas pour tes yeux coups. Gros, c'est le banco, gros, c'est le bon coup. Que des disputes de fou. C'est la guerre. Soir, ce c'est la guerre. On a la guitare, nous met pas en colère. Trop de bouteilles, il s'est mis en galère. C'est la guerre. Soir, ce c'est la guerre. À nous les bombes, y'a du recalage dans l'air. Les quartiers savent faire des millionnaires. La technique est efficace, lourd comme le HSE. Vive comme le professeur, à la base on s'est fait tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Bah les couilles, j'ai rien appris dans vos cours. J'ai plus appris dans la cour. Comment vous baiser à la cool, à la main, faire de votre cadre, l'autre un petit pétou. À la base, des basses potos, on les baise un poste et tout. J'ai l'équipe, j'ai le cran, y'a du talent, pas le temps. Y'a les feats, y'a les hits, galactique et dans les temps. Pour les gros et petits torts, 13, 94, la haine certifiée or. Hein, on les met d'accord. Yes, personne mangera mes forces. C'est la PS. Ok, c'est la guerre. Soir, ce c'est la guerre. On a la guitare, nous met pas en colère. Trop de bouteilles, il s'est mis en galère. C'est la guerre. Soit ce c'est la guerre. À nous les bombes, y'a du recalage dans l'air. Les quartiers savent faire des millionnaires. Tu vois pas, elle est là, elle m'y tonne. Tu vois pas que son gars, il m'y tonne. T'aimes la trappe, elle aime reggaeton. On en a mélangé les deux et ça donne. Tu vois pas, elle est là, elle m'y tonne. Tu vois pas que son gars, il m'y tonne. T'aimes la trappe, elle aime reggaeton. On en a mélangé les deux et ça donne. Jolie, viens pas ici. Tu sais que les hommes sont pour rares ici. Je peux pas te dire, on s'est compris. Dur de réussir avec tous mes prix. C'est la guerre. Soir ce c'est la guerre. On a la guitare, nous met pas en colère. Trop de bouteilles, il s'est mis en galère. C'est la guerre. Soir ce c'est la guerre. À nous les bombes, y'a du recalage dans l'air.